La poésie philosophique et religieuse chez les persans d'après le Mantique Utaïr, ou le langage des oiseaux de Fariduddin Attar. Avant d'aborder l'analyse détaillée du Mantique Utaïr, et de mettre par là en lumière les doctrines philosophiques des soufis, je dois indiquer en quelques mots le sujet allégorique du poème. Les oiseaux vivaient en république, mais ils sentirent la nécessité d'avoir un roi. Un pays sans roi, dit un proverbe indien, est comme une nuit privée de la clarté de la lune et une femme vertueuse sans mari, confère, Prem Sagar, chapitre 51. La huppe, que les traditions rabbiniques et musulmanes donnent pour guide à Salomon dans son voyage à Saba, et qui, ayant ainsi connu familièrement le grand roi d'Israël, était plus que tout autre oiseau capable d'apprécier les qualités que doit avoir un bon roi, la huppe, dis-je, propose aux oiseaux pour souverain Simorgue, oiseau extraordinaire qui réside au Caucase et dont elle loue les admirables mérites. Les oiseaux agréent Simorgue pour roi, mais ils sont effrayés par la longueur et le danger du voyage qu'il faut entreprendre pour aller le trouver. Les principaux d'entre eux exposent tour à tour leurs objections ou leurs excuses, mais la huppe les réfute toutes. Leurs raisons sont celles que donnent les mondains contre les préceptes de l'Évangile. C'est le repas du père de famille que dédaignent les conviés. Quelques oiseaux spiritualistes n'élèvent aucune objection, et se contentent d'adresser à la huppe des demandes sur ce qu'ils ont à faire. Tous les oiseaux se décident enfin à partir, mais la plupart périssent en route de faim, de soif, de fatigue. Enfin, après bien des peines, et après avoir franchi cette vallée mystérieuse, ils arrivent au nombre de 30 seulement auprès de Simorgue. Or ce mot signifie en persan 30 oiseaux. Ainsi les oiseaux, qui représentent les hommes, se retrouvent eux-mêmes en Simorgue, c'est-à-dire en Dieu. Telle est l'allégorie dont Attar s'est servi pour enseigner l'unité des êtres et l'existence de Dieu seul, représenté par l'oiseau mystérieux du Caucase. Le Mantique se divise en deux parties, ainsi qu'Attar le dit lui-même dans son épilogue, le Mantique Utaïr proprement dit, c'est-à-dire les conférences préparatoires des oiseaux, et le Makamat Utuyur, c'est-à-dire les stations des oiseaux, ou, comme Attar les appelle aussi, les séances du chemin de la stupéfaction et le diwan des poésies du vertige. En effet, dans plusieurs manuscrits, ces deux parties sont distinctes et forment même quelquefois deux poèmes différents. Le Mantique se compose d'une introduction, des deux parties dont je viens de parler, et d'un épilogue. Partout le récit est coupé, de temps en temps, par des anecdotes ou des paraboles propres à faire ressortir les pensées de l'auteur et à mettre en relief ses doctrines. Actuellement, on pourra, je pense, me suivre facilement, tant dans l'analyse plus complète que je vais donner de l'ouvrage, que dans les nombreux extraits que je traduirai du persan en français aussi littéralement que notre goût le comporte, en m'aidant des traductions hindoustanies et turques qui en ont été faites. C'est une chose presque incroyable, dit le célèbre Arnaud d'Andilly, lettre à l'abbé de Rancé, que l'extrême difficulté qu'il y a à faire des traductions aussi fidèles qu'élégantes et aussi élégantes que fidèles. Il est incomparablement plus aisé de bien écrire de soi-même, dans la liberté tout entière que l'on a de s'exprimer, que de traduire, dans la contrainte où l'on se trouve pour rendre fidèlement et éloquemment, tout ensemble, les pensées de l'auteur. Les musulmans commencent toujours leurs écrits par une invocation à Dieu suivie des louanges de Mahomet et des quatre premiers califes ou des imams, selon qu'ils sont sunnites ou chiites, et quelquefois des uns et des autres. Attar n'a pas manqué de se conformer à cet usage, et il n'a pas employé moins de 592 vers à cette introduction. Les vers dont elle se compose sont souvent empreints d'une véritable éloquence, et on y trouve çà et là de belles pensées, mais quelquefois des images bizarres et singulières qui font l'admiration de l'Orient, mais que notre goût réprouve. De cette introduction, je ne traduirai pas les lieux communs qu'on trouve dans la plupart des ouvrages musulmans, mais seulement ce qu'elle présente de neuf ou du moins de peu connu, et tout ce qui tend à faire apprécier l'esprit des doctrines de l'auteur. Louange, dit Attar en commençant, au pur créateur des âmes, qui a gratifié de l'âme et de la foi l'homme fait de poussière, qui a placé sur les eaux son trône, et qui a mis dans les airs des créatures terrestres. On voit que l'auteur du Mantique passe tout de suite à la création des oiseaux, qui sont les héros de son livre. La pensée qui précède est biblique, c'est « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux » de la Genèse 1, 2. « Il a donné aux cieux, continue Attar, la domination, et à la terre, la dépendance. Aux cieux, il a imprimé un mouvement perpétuel, à la terre un uniforme repos. Il a étendu le firmament au-dessus de la terre comme une tente sans pieu. En 6 jours, il a créé les 7 planètes, et au moyen de 2 lettres il a créé les 9 coupoles des cieux. Nous trouvons ici 2 jeux de mots qu'il faut expliquer. Les 7 planètes font allusion aux 7 jours de la semaine, dont 6 seulement furent employés à la création. Quant aux 2 lettres dont parle Attar, ce sont celles qui composent le mot kun, soit, formé de 2 lettres seulement en arabe, et cité dans un célèbre passage du Coran, Sourate 2, 117, soit, et elle est aussitôt, qui représente le, il dit, et la chose arrive, de la Bible, Psaume 33, 9. Dieu a donné à la fourmi une taille aussi fine qu'un cheveu, il l'a mise en rapport avec Salomon. Il lui a départi un beau vêtement digne des Abbassides, robe de brocart que le paon lui envie, et qu'on n'a pas eu la peine de tisser. Note. Ceci fait allusion à une légende du Coran. 27, 19. Cette sourate porte le titre de chapitre de la fourmi, parce que la mention de la légende dont il s'agit est ce qu'il y a de plus saillant dans ce chapitre. D'après cette légende, les fourmis que l'armée de Salomon foulait aux pieds s'en plaignirent à ce prince par l'organe de leur chef. Fin de la note. Comme Dieu vit une aiguille entre les mains de Jésus, il l'emblâma sévèrement. Note. Il s'agit probablement ici d'une aiguille de pêcheur pour raccommoder les filets. Dieu l'emblâma, parce que, selon l'auteur musulman, Jésus montrait par là qu'il n'était pas entièrement détaché des biens du monde. Ce passage fait allusion à une légende musulmane mentionnée une autre fois dans le Mantique Utahir. Verset 3986 à 87 du texte, et page 223 de la traduction, qui doit être aussi rectifié de la façon suivante. S'il te restait uniquement comme à Jésus une seule aiguille, sans voleur, ou danger, t'attendrais sur ta route. Quoique Jésus fixait sa résidence dans le chemin, de Dieu, toutefois l'aiguille qu'il conserva le rendit évidemment blâmable. J'ai suivi le sentiment du savant professeur d'Hindoustani du Trinity College de Dublin, Mser Oula Alice, pour la traduction de ces 2 passages, que 2 idiotismes rendent difficiles. Dans le premier, Bakia Baruf Kandan, jeter couture sur le visage, signifie dévoiler la faute de quelqu'un, etc. Et dans le second, Rakdar Kuf Kandan, décharger son bagage dans le chemin, signifie y rester. Fin de la note. Dans l'hiver, il répand la neige argentée, dans l'automne, l'or des feuilles jaunies. À l'idée de Dieu, l'esprit se déconcerte, l'âme s'affaisse. À cause de Dieu, le ciel tourne, la terre chancelle. Depuis le dos du poisson jusqu'à la lune, chaque atome atteste son existence. La terre inférieure, le ciel élevé, lui rendent l'un et l'autre témoignage. Il est souvent fait allusion dans les poésies musulmanes à cette idée de la cosmogonie persane, que le monde repose sur le dos d'un poisson. Or poisson se dit maï en persan, et lune, ma. De là les jeux de mots perpétuels sur le poisson et la lune, sur l'empire, par exemple, du roi des rois, qui s'étend de la lune au poisson. On trouvera plus loin d'autres allusions à cette idée. Dieu produit le vent, la terre, le feu, le sang. C'est par ces choses qu'il annonce son secret. Le poète Edouard a dit, nuit septième, les parties, comme les demi-phrases, sont confuses, l'ensemble donne le sens, et Dieu est compris. Dieu pétrit de la terre, et après 40 jours il y mit l'âme, lorsque l'âme entra dans le corps, elle le vivifia. Dieu lui donna l'intelligence, pour qu'elle eût le discernement des choses, il lui donna la science, pour qu'elle pût les apprécier. Quand l'homme eut ses facultés, il confessa son impuissance, et, submergé dans l'étonnement, il tâcha d'agir. Ami ou ennemi, tous courbent la tête sous le joug de Dieu, c'est sa sagesse qui l'impose, c'est elle qui veille sur tous. Au commencement des siècles, Dieu a employé les montagnes comme des clous, Coran 78, 7, pour fixer la terre, et il a lavé avec l'eau de l'océan la face du globe. Il a placé la terre sur le dos d'un taureau. Or le taureau est sur le poisson, et le poisson est en l'air. Mais sur quoi repose le poisson? Sur rien. Mais rien n'est rien, et tout cela n'est rien. On le voit, dès le début de son poème, Attar nous fait connaître son système ou plutôt celui des soufis. Tout ce qui est visible, c'est le néant, la réalité gît dans le monde invisible. C'est là que nous devons chercher Dieu, le seul être réel, l'océan où les gouttes de l'existence vont se perdre. L'auteur revient 100 fois sur la même idée dans le courant de son poème, 100 fois il proclame l'unité des êtres. C'est qu'en effet les principes des soufis se réduisent proprement à ce dogme unique. Mais continuons à écouter Attar. Admire l'œuvre de ce roi, Dieu, quoiqu'il ne la considère lui-même que comme un pur néant. En effet, bien que son essence seule existe, il n'y a rien en réalité, si ce n'est elle. Le trône de ce roi est sur l'eau, et le monde est en l'air, mais laisse là l'eau et l'air, car tout est Dieu. Le ciel et la terre ne sont qu'un talisman qui voile la divinité, sans elle ils ne sont qu'un vain nom. Sache donc que le monde visible et le monde invisible, c'est Dieu même. Il n'y a que lui, et ce qui est, c'est lui. Mais, hélas, personne ne peut le voir, les yeux sont aveugles, bien que le monde soit éclairé par un soleil brillant. Ô toi, qu'on n'aperçoit pas quoi que tu te fasses connaître. Tout le monde, c'est toi, et rien autre que toi n'est manifeste. L'âme est cachée dans le corps, Et tu es caché dans l'âme. Ô obscurité d'obscurité, ô âme de l'âme, tu es plus que tout et avant tout. Tout se voit en toi, et on le voit en toute chose. Ni l'esprit ni la raison ne comprennent ton essence, et personne ne connaît tes attributs. On peut dire à ce propos avec saint Augustin, sermon 117, 5, « Est-il donc étonnant que tu ne comprennes pas ? Si tu comprenais, ce ne serait pas Dieu. » Les prophètes eux-mêmes viennent s'abîmer dans la poussière de ton chemin. Quoique l'esprit existe par toi, trouvera-t-il cependant jamais la route de ton existence ? Ô toi qui es dans l'intérieur et dans l'extérieur de l'âme, psaume 145, tu es, tu n'es pas ce que je dis, à ta cour, la raison a le vertige, elle perd le fil qui doit la diriger dans ta voie. Et cependant je ne te découvre pas dans le monde. Tous les êtres sont marqués de ton empreinte, mais toi-même tu n'as visiblement aucune empreinte, tu t'es réservé le secret de ton existence. Quelque quantité Dieu, allusion aux étoiles, qu'ait ouvert le firmament, il n'a pu apercevoir un grain de la poussière du sentier qui conduit à toi. La terre non plus n'a pas vu cette poussière, bien que de douleur elle ait couvert sa tête de poussière. Ce dernier jeu de mots, que j'ai cru devoir reproduire, commence une série d'allégories d'aussi mauvais goût. Je les laisse, pour continuer à faire connaître ce qui, dans l'invocation, me paraît offrir de l'intérêt. Nous allons voir à tard admettre virtuellement la nécessité de la révélation, et c'est ce trait qui caractérise le panthéisme de l'école musulmane. Mais les soufis ramènent tout à leur idée favorite. Ils ne voient dans la révélation que la manifestation de leur croyance, et ils pensent que la Bible et le Coran ont été seulement écrits pour l'homme qui se contente de l'apparence des choses, qui s'occupe de l'extérieur, pour le Zahir Parast, comme ils le nomment, et non pour le Soufi qui sonde le fond des choses. Écoutons Attar. Tu dois connaître Dieu par lui-même et non par toi. C'est lui qui ouvre le chemin qui conduit à lui, et non la raison humaine. Sa description n'est pas à la portée des rhétoriciens. L'homme qui a de l'énergie et celui qui en est dépourvu sont également incapables de la tracer. La science ou l'ignorance sont ici une même chose, car Dieu ne peut s'expliquer ni se décrire. Les êtres atomiques des deux mondes ne sont que le produit de tes conjectures, tout ce que tu sais, en dehors de Dieu, n'est que le résultat de tes propres conceptions. Quant à lui, il est parfait, mais comment l'âme humaine parviendra-t-elle où il est ? Il est mille fois au-dessus de l'âme, il est bien au-dessus de tout ce que je peux dire. Ô toi qui apprécies la vérité, ne cherche pas d'analogie en ceci, car l'existence de l'être sans pareil n'admet pas d'analogie. Sa gloire a jeté dans l'abattement l'esprit et la raison, ils sont l'un et l'autre dans une indicible stupéfaction. Les prophètes et les envoyés célestes eux-mêmes n'ont pas compris la moindre parcelle du tout, et ils ont touché la terre de leurs fronts en disant, « Nous ne t'avons pas connu comme tu dois l'être. » L'océan agite ses flots pour proclamer l'essence divine, mais tu ne comprends pas, et tu restes dans l'irrésolution. Ce qu'on peut dire de Dieu n'est qu'emblématique et allégorique, or, aucune allégorie ni aucune explication ne saurait en donner une juste idée, personne ne le connaît, et il ne s'est signalé réellement à personne. Anéantis-toi, telle est la perfection, et voilà tout, renonce à toi-même, c'est le gage de ton union avec Dieu, et voilà tout. Perds-toi en lui pour pénétrer ce mystère, toute autre chose est superflue. Marche dans l'unité, Et tiens-toi à l'écart de la dualité, n'est qu'un cœur, un visage, une qibla. Attar termine sa tirade panthéiste par une allusion mahométane et judaïque, car par la qibla il faut entendre, on le sait, l'endroit vers lequel on se tourne pour prier, c'est-à-dire Jérusalem pour les juifs, et la Mecque pour les musulmans. Continuons à écouter ce mélange hybride de révélation et de philosophie, de vérité et d'erreur. À présent, Attar va agencer à sa manière les traditions bibliques, enrichies par les rabbins et par les musulmans, avec les doctrines panthéistes. Ô ignorant fils d'Adam, tâche de participer à la science spirituelle de ton père. Toutes les créatures que Dieu tira du néant à l'existence se prosternèrent pour l'adorer. Lorsqu'enfin il créa Adam, il le fit sortir de derrière sans voile, comme un échantillon de sa toute-puissance. Il lui dit, « Ô Adam, sois un océan de bonté, toutes les créatures m'adorent, sois adoré à ton tour. » Le seul qui détourna son visage de cette adoration fut transformé d'ange en démon, il fut maudit et ne connut pas les secrets divins. Il est dit aussi dans le psaume 97, 7, « Adorez-le, Dieu, vous qui êtes ses anges », et saint Paul, par allusion à ce texte, dit de son côté, Hébreux 1, 6, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il, Dieu, introduit son premier-né dans le monde, il dit, que tous les anges de Dieu l'adorent. D'après la légende musulmane qui est mentionnée dans le Coran, 7, 171, et qu'Attar rappelle plus explicitement dans un autre endroit, Dieu fit à toutes les âmes des hommes contenues dans Adam 7 demande qu'Attar nomme ailleurs l'aimant des amis de Dieu. Ne suis-je pas votre Seigneur? Oui, lui répondirent-elles, puis elles l'adorèrent. C'est ainsi, disent les musulmans, que l'homme qui se détourne du vrai culte de Dieu, c'est-à-dire de l'islamisme, est coupable, puisqu'il méconnaît l'engagement qu'il prit alors. Les soufis ajoutent que l'homme a confessé par cet acte que Dieu est le maître absolu de la nature, qu'il existe nécessairement, tandis que les créatures sont ou ne sont pas, puisqu'il les produit ou les fait disparaître à son gré. Une légende qui accompagne celle-ci, c'est celle de la déchéance de Satan. Elle est empruntée à une ancienne tradition que les saints pères nous ont fait connaître. Dieu, disent-ils, tira du néant les anges dès le premier jour de la création. Il confia à Michel le soin du monde invisible et à Satan celui du monde visible. Après la création de l'homme, Dieu voulut que les anges adorassent dans Adam le Messie futur, Dieu et homme tout ensemble, leur rédempteur est celui de tout le genre humain. Tous le firent, excepté Satan et ceux qui le suivirent dans sa révolte. Michel leur livra alors le combat mystérieux dont il est question dans l'Apocalypse, et les mauvais anges furent précipités dans l'abîme éternel. Mahomet a rapporté cette légende dans le Coran, 2, 32, mais, selon lui, ce fut simplement l'homme que Dieu voulut faire adorer aux anges. Attar donne dans le Mantique la raison de la désobéissance de Satan. Ce dernier, dit-il, se doutant bien qu'Adam n'était pas fait seulement de terre, ne se courba pas, afin de voir le secret que Dieu voulait cacher aux anges, c'est-à-dire apparemment la transmission de son souffle divin. Cette scène est représentée dans un dessin qui se trouve dans un manuscrit du poème persan intitulé « Les réunions des amants de Dieu ». On y voit les anges prosternés autour d'Adam, et Satan en observation dans un angle, mordant ses doigts d'étonnement. Pour former Adam, continue Attar, L'âme s'unit au corps comme la partie au tout. Jamais on ne fit un talisman plus merveilleux, cette union de l'âme élevée et du corps abject offre un mélange de vile terre et de pur esprit. Par l'assemblage de ce qui est élevé et de ce qui est bas, l'homme est le plus étonnant des mystères. Bien des gens connaissent la surface de cet océan, mais ils en ignorent la profondeur. Or il y a un trésor dans cette profondeur, et le monde visible est le talisman qui en défend l'approche. Mais ce talisman se brisera enfin. Tu trouveras le trésor quand le talisman n'existera plus. L'âme se manifestera quand le corps sera mis à l'écart. Mais tu es toi-même un autre talisman, tu es pour ce mystère une autre substance. Edward Young a dit, nuit première, comme il est pauvre, comme il est riche, comme il est abject, comme il est auguste, comme l'homme est compliqué, comme il est merveilleux. Bien des hommes se sont noyés dans cet océan sans fond, et il n'a plus été question d'aucun d'eux. C'est en effet le cas de dire avec saint Paul, Romains 12, 3, ne pas avoir de lui-même une plus haute opinion qu'il pense avoir, et avec l'Ecclésiaste, 1, 18, celui qui accroît sa connaissance, accroît sa douleur. Dans cet immense océan, le monde est un atome et l'atome un monde. J'ai joué ma vie, mon esprit, mon cœur, ma religion, pour comprendre la perfection d'un atome. Ceux qui, avant nous, ont cherché péniblement à pénétrer ces mystères, n'ont obtenu pour résultat que le découragement et la stupéfaction. Vois d'abord ce qui est arrivé à Adam, vois combien d'années il a passé dans le deuil occupé de ses pensées. Contemple le déluge de Noé et tout ce que ce patriarche souffrit pendant 1000 ans de la part des impies. Vois Abraham qui était plein d'amour pour Dieu. Il souffre des tortures et il est jeté dans le feu. Allusion à une légende orientale connue. Vois l'infortuné Ismaël sacrifié dans le sentier de l'amour divin. Allusion au sacrifice d'Abraham, dont la victime, selon les musulmans, était Ismaël et non Isaac. Tourne-toi vers Jacob, qui devint aveugle à force de pleurer Joseph. Regarde ce dernier, admirable dans sa puissance comme dans l'esclavage, dans le puits comme dans la prison. Regarde le malheureux Job étendu sur le seuil de sa porte, en proie au ver et au loup. Vois Jonas qui, égaré dans sa route, alla de la lune, ma, où les vagues l'avaient pointé, dans le ventre d'un poisson, maï, où il séjourna quelque temps. Admire Moïse dès sa naissance, un coffre lui servit de berceau, et Pharaon l'éleva. Vois David qui s'occupait à faire des cuirasses, et qui par les soupirs de son cœur rendait le fer mou comme de la cire. Vois le roi Salomon de l'empire duquel un Delphes s'empara. Les musulmans croient qu'un génie s'empara de l'anneau magique de Salomon, anneau auquel ce roi devait son pouvoir extraordinaire, et qu'il le garda pendant 40 jours, pendant lesquels il se fit passer pour Salomon. Vois Zacharie, si ardent dans l'amour de Dieu qu'il ne fit entendre aucune plainte quand on lui scia le cou. Vois Jean-Baptiste dont la tête tranchée fut mise dans un plat. Contemple Christ au pied du gibet lorsqu'il s'échappa à plusieurs reprises des mains des Juifs. Christ est synonyme de Messie et signifie oint. Ainsi Jésus est le nom propre, et Christ est le titre. Mais Christ peut être aussi considéré comme le nom propre du Sauveur aussi bien que Jésus, quoiqu'il soit employé en grec avec l'article, conformément aux usages de la langue. C'est ainsi qu'on dit ad libitum le Christ, ou Christ et in extenso Jésus Christ. Vois enfin ce que le chef des prophètes, Mahomet, a souffert d'injures et de tourments de la part des impies. Respirons un instant après cette longue citation, qui certes n'est pas dépourvue d'intérêt. Il me paraît inutile de donner des éclaircissements particuliers sur plusieurs indications erronées de l'auteur. Elles tiennent, ainsi que je l'ai déjà fait observer, à des légendes rabbiniques adoptées par les musulmans. Quant à ce que l'auteur dit en dernier lieu de Jésus-Christ, c'est conforme à la doctrine musulmane, car on lit dans le Coran que Jésus-Christ ne fut pas crucifié, mais qu'il s'échappa des mains des Juifs, qui crucifièrent un individu qui lui ressemblait en croyant le crucifier lui-même. Voyez la sourate 4, 156, 157. En effet, si Mahomet eût considéré Jésus-Christ comme fils de Dieu et sauveur du genre humain, s'il avait cru à la rédemption, il aurait prêché l'évangile, la bonne nouvelle du salut par la foi au mérite du sauveur, et non une doctrine qui faisait reculer, ainsi que je l'ai déjà dit, le christianisme jusqu'au judaïsme, et lui ôtait son véritable caractère si noble et si consolant à la fois. Note. Tous les efforts de Mahomet ont tendu à renverser le dogme fondamental du christianisme, la divinité du Sauveur. Il est facile de s'en convaincre par la lecture la plus superficielle du Coran. Fin de la note. Il lui a donc fallu, en admettant Jésus-Christ comme un prophète éminent, comme le Verbe et l'Esprit de Dieu, nier sa mort sur la croix, afin d'ôter tout motif de croire à son sacrifice expiatoire pour le genre humain. Ici encore, Mahomet n'a pas été inventeur, il a suivi l'opinion des Valentiniens, qui croyaient qu'un homme de l'apparence du Sauveur lui avait été substitué dans la Passion, tandis que lui-même avait été enlevé dans le ciel. Note. Je ne parle pas de l'évangile apocryphe de Saint Barnabé, où il est dit que Dieu permit que Judas eût l'apparence du Sauveur et comme tel fut crucifié à sa place. Cet évangile n'est connu que par une traduction italienne du XVe siècle, et comme on n'a pas l'original, on peut penser qu'il n'a jamais existé. Dans tous les cas, il serait de fabrique rabbinico-musulmane. Voyez, à ce sujet, Fabricius, Codicis Apocryphi Novi Testamenti Parstertia, page 377. Fin de la note. Les manichéens pensaient aussi que Jésus-Christ n'était mort et ressuscité qu'en apparence. Remarquons encore, en passant, que Mahomet a puisé ses erreurs chez les hérésiarques des premiers siècles et dans les livres apocryphes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Continuons la lecture de l'invocation du mantique. Tu n'es pas accessible à la science, et cependant tu n'es pas manifeste à tout le monde. L'avantage ou le dommage ne t'atteigne pas. Tu n'as retiré aucun avantage par Moïse, et tu n'as éprouvé aucun dommage par Pharaon. Ô Dieu, qui est infini comme toi qui es, comme toi, sans limite et sans borne. Ô toi qui es resté caché sous un voile, retire à la fin ce voile, pour que mon âme ne se consume pas à ta recherche. Je suis demeuré dans l'océan du monde, entouré par le firmament. Ah! Retire ton serviteur de cette mer qui lui est étrangère, tu m'y as précipité toi-même, retire-m'en. Les hommes te craignent, mais pour moi je me crains moi-même, car le bien vient de toi et le mal de moi. Cette dernière pensée est tout à fait chrétienne, mais elle se trouve dans le Coran, car il y a textuellement « Le bien qui t'arrive vient de Dieu et le mal vient de toi-même » Sourate 4, 81. On aime à la voir exprimée par un soufi dont la doctrine enseigne l'indifférence du bien et du mal en l'attribuant à Dieu lui-même. Ô mon Créateur, depuis que je suis entré dans ta voie, j'ai mangé ton pain sur ta table. Lorsque quelqu'un mange le pain d'un autre, il en est reconnaissant. N'aurais-je donc pas de gratitude envers toi, qui possède des millions d'océans de bonté dont le pain m'a nourri si copieusement? En proportion des péchés innombrables que j'ai commis, par une négligence coupable, tu m'as gratifié de tes abondantes miséricordes. Ô mon roi, tourne tes regards vers moi qui suis pauvre et indigent. Ne considère pas mes fautes passées, pardonne-moi les fautes d'ignorance que j'ai faites. Cette dernière prière rappelle celle du psalmiste, « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions, souviens-toi de moi selon ta miséricorde. » Psaume 25, 7. Mais voici actuellement que pour s'excuser de ses fautes, Attar se jette dans la doctrine des priscianistes et des quiétistes, c'est-à-dire dans celle de l'indifférence des actions, sous le prétexte qu'elles sont faites par le corps sans la participation de l'âme. Or cette funeste doctrine fait Dieu l'auteur du mal comme du bien. Car le corps, selon les soufis, n'étant, comme l'âme, qu'une émanation de la divinité, en fait ainsi partie. Donc ce qu'il fait, c'est Dieu lui-même qui le fait. Le poète va le dire d'ailleurs lui-même en propres termes. Écoutons-le. Ô mon Créateur, le bien ou le mal que j'ai fait, je l'ai fait avec mon corps. Pardonne mes faiblesses, efface mes fautes. Je suis entraîné par mes penchants et jeté par toi-même dans l'incertitude. Ainsi le bien ou le mal que je fais dérive de toi. Sans toi je ne suis qu'une petite partie du tout, mais je deviendrai le tout, si tu daignes me regarder. Après avoir parlé d'une manière aussi hétérodoxe, Attar paraît en éprouver du regret, et il s'écrie « Ah ! Donne-moi la lumière islamique, anéantis en moi ma tyrannie concupiscence. Je suis un atome perdu dans l'ombre, je n'ai pas le capital de l'existence. Je suis un mendiant auprès de la majesté comparable au soleil, et je lui demande un peu de ton éclat. Lorsque ma vie me quitte, je n'ai que toi. Ah ! Sois à mon dernier soupir le compagnon de mon âme. » La première partie de l'introduction du mantique, c'est-à-dire l'invocation à Dieu, se termine ici. Markemdanarchive.org 2021, d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.